professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, apprendre les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'Empire ottoman, cet animal étrange, cet empire à l'ancienne, se transforme-t-il au moment où l'Europe devient puissante et arrogante, demande l'historien Edem Eldem. Quelle est son interaction avec l'Occident dans le long XIXe siècle et pourquoi reprendre ce mot d'Occident? D'ailleurs, quels sont les enjeux de la terminologie? Quel est le risque d'amalgame, toute période confondue, entre les mots turc et ottoman, s'interroge encore l'historien. Et d'ailleurs, d'où vient le mot ottoman? Pourquoi le nouveau concept d'État sublime? Et comment l'Empire ottoman survit-il? Comment s'appuie-t-il sur un art du calcul et de la négociation? Nous retrouvons aujourd'hui Edem Eldem, professeur à l'Université du Bosphore, titulaire de la nouvelle chaire Histoire turque et ottomane au Collège de France, après sa leçon inaugurale, où il nous a présenté la difficulté des historiens face au rapport frénétique des Turcs à l'histoire, le domaine étant vicié, selon ses mots, par l'emprise du politique et de l'idéologique, notamment par la vision kémaliste déformante ou l'islamo-nationalisme du pouvoir. Dans cette leçon inaugurale, il a aussi posé le cadre du long XIXe siècle qu'il propose d'étudier pour aborder la transformation de l'Empire ottoman face à l'Occident. Dans la vidéo qui présente son cours, l'historien explique, et je le cite, que l'objectif est d'analyser, d'examiner dans le détail les dynamiques de ces relations entre un empire que l'on dit mourant et une Europe qui est extrêmement puissante, qui est de plus en plus arrogante, donc c'est une relation assez conflictuelle, mais aussi une relation d'amour, d'admiration, puisque la modernisation ottomane va se faire à l'aune de l'Occident. C'est-à-dire qu'on va copier, on va émuler et on va essayer d'imiter ce que l'on considère être une formule de réussite. Dans sa leçon inaugurale, Edem Eldem a distingué ce qu'il appelle trois phases, une relation de flirt, la découverte superficielle de l'Occident passant par les innovations technologiques, puis arrive l'heure de l'union, les Ottomans se lançant dans le remaniement, une reconstruction de l'État au milieu du XIXe siècle, mais se produit également un essoufflement économique et politique alors que les nationalismes s'affirment, brisant cet élan enthousiaste. C'est le début d'une crise, d'un divorce en quelque sorte, explique encore Edem Eldem, et l'Empire ottoman, pensant être trahi par l'Europe, va se replier sur lui-même. Aujourd'hui et demain, l'historien qui a enseigné aux quatre coins de la planète s'attache aux problèmes de fond et de méthode que pose son sujet complexe, à commencer par le monopole de fait que s'est arrogé la Turquie sur l'histoire ottomane et les amalgames opérés par les Européens. Alors, quelles sont les chausse-trappes qui guettent l'historien épris de curiosité et de liberté quand il aborde l'histoire turque et ottomane? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 12 janvier 2018 pour le cours d'Edem Eldem, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui introduction. L'accent est mis sur les rapports entre l'Empire ottoman et la Turquie et l'Occident. Alors, l'Occident, déjà, c'est un terme qui, en lui-même, est problématique, puisqu'il fait penser à l'Orient, mais je l'ai pris quand même parce qu'il a un contexte, il a une saveur du 19e siècle qui me convient. J'aime bien dire Constantinople quand je parle d'Istanbul, ça fait enrager certains de mes compatriotes, mais dans le contexte du 19e siècle, parler de l'ambassade de France à Istanbul, je sais pas pourquoi, mais ça sonne faux. Notamment en français. Donc, l'ambassade de France à Constantinople. Et de même, le concept de l'Occident ne me dérange pas, notamment dans ce contexte particulier qui est celui du 19e siècle, où, justement, l'Occident est très, très, très présent. L'Europe, en fait, est très présente dans les représentations, dans les projets, dans les attentes, dans les frustrations de l'Empire ottoman. L'autre problème, bien sûr, c'est la conjonction de Ottomans et Turcs. Ce sont deux choses différentes et pourtant qui se recoupent. Je l'ai dit dans la présentation, dans le dossier de presse de ma chaire, tout ce qui est turc n'est pas ottoman et tout ce qui est ottoman n'est pas turc. Et il est essentiel de s'en souvenir. Pourquoi ? Parce que, et j'en parlerai dans un moment, la Turquie, ou du moins l'histoire turque telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Turquie a tendance à faire l'amalgame entre les deux, c'est-à-dire à s'approprier le passé ottoman en tant que turc. Et déjà que le passé turc lui-même est très difficile à définir, que le terme turc lui-même, comme ethnie, comme culture, comme nationalité, est extrêmement difficile à définir, ça pose un problème de taille. Mais je vous rassure, ce n'est pas uniquement la Turquie qui est responsable de cet amalgame. L'Europe y a contribué, et cela depuis belle lurette, puisque dès le 15e siècle, on parle des Ottomans comme étant des Turcs. La raison étant que le terme ottoman est un terme, en fait, beaucoup plus tardif qu'il ne le paraît, puisque c'est un terme dynastique. Ce n'est pas une ethnie. Donc ce n'est pas un ethnonyme, ce n'est pas un nom de nation, ça n'a aucun rapport avec la religion, c'est tout simplement une déformation du nom Osman, qui, prononcé en arabe, avec le « th » de « Othman », donnait aux Occidentaux, et les Occidentaux à l'époque c'était surtout des Italiens, une sonorité de « th » qui est par la suite devenu un double « t ». Donc ottoman, c'est tout simplement osmanien, si vous voulez, et pas dans le sens des rénovations de la ville de Paris dans les années 60. Et par conséquent, c'est un terme que les Ottomans eux-mêmes, puisqu'on les appelle ottomans, n'utilisaient pratiquement pas. Il ne faut pas s'imaginer qu'au XVIe siècle, les gens dans la rue à Constantinople ou dans les provinces se promenaient en disant « je suis ottoman, heureux qui ». Se dit ottoman, comme le bon mot kémaliste l'a dit pour la Turquie. Personne ne s'appelait ottoman, si ce n'est la dynastie. Et encore, Ali Osman, la famille d'Osman, c'était une référence dynastique. Donc c'est vraiment un terme qui est né au 19e siècle, au 18e, au 19e, et qui est né surtout du besoin des Occidentaux de mettre un nom à cet empire qu'il définissait de manière très différente, turc en général, et par conséquent, et qui prêtait à confusion. Puisque turc, vous le savez bien, jusqu'au XVIIIe siècle, veut dire aussi musulman. Se faire turc, c'est se convertir à l'islam. Donc toute cette terminologie est extrêmement vague, elle est extrêmement problématique, elle est ambiguë, et aujourd'hui, il est très difficile de démêler toute cette terminologie et de prétendre pouvoir utiliser une terminologie parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et même le terme d'empire, encore une fois, est un apport occidental, puisque les Ottomans n'utilisent pas le terme empire. Ils vont commencer à l'utiliser vers la fin du XVIIIe siècle et notamment au début du XIXe siècle pour parler de l'empire napoléonien. Et ils vont utiliser, bien sûr, la racine latine de imperator, imperatori, pour parler d'un concept qui leur est nouveau. Pour eux, l'empire ottoman, c'est l'État devlet, l'État sublime, Devlet Aliyev, alors sublime, élevé, exaucé, on peut appeler ça comme on veut. En général, la terminologie acceptée est celle de sublime, l'état sublime. Et même au XIXe siècle, lorsque l'Empire ottoman, dans cette modernisation, cette occidentalisation, va utiliser de plus en plus le français côte à côte avec le turc, pour se définir et pour parler de lui-même, il utilisera en turc la formule consacrée de Devlet Aliyev Osmaniyev, l'état sublime ottoman, et l'apport d'ottoman est une nouveauté du XIXe siècle, et en français parlera de l'Empire ottoman, voire même de Turquie. L'Empire ottoman, au XIXe siècle, on le voit utiliser fréquemment le terme de Turquie pour parler d'eux-mêmes. Il y a même, et là c'est du vice, une tentative de parler de Turkistan en turc pour traduire en turc le terme de Turquie. Tout cela pour vous donner une idée de la complexité, de l'ambiguïté, de ce méli-mélo que représente la terminologie utilisée pour décrire un animal extrêmement intéressant, mais aussi extrêmement complexe. Donc, lorsque je parle de chaire internationale d'histoire turque et ottomane, c'est en connaissance de cause, c'est parce que je considère que mon empire ottoman, tout en n'étant pas turc, comporte des éléments qui sont, turcs culturellement, linguistiquement, voire même ethniquement, et que sur la longue durée, notamment celle qui m'intéresse de l'occidentalisation, c'est un empire ottoman qui va politiquement, idéologiquement, finir par se faire turc, qui va finir par croire en quelque sorte à cette fiction occidentale de la turcité des Ottomans. Encore une fois, séparons les deux, mais reconnaissons les recoupements, les chevauchements entre ces deux termes. L'essentiel n'est pas d'en utiliser un ou l'autre, mais simplement d'être conscient du contexte dans lequel on l'utilise et d'être clair lorsque, justement, on a recours à cette terminologie, être clair sur la manière dont on contextualise cet usage dans le récit historique que l'on veut donner. Je vous disais que mon cours portera sur un très long 19e siècle, un 19e siècle qui pratiquement inclut le 18e et le 20e, donc vraiment très long, puisque le long 19e siècle, c'est en général un 19e siècle que l'on fait débuter avec la Révolution française, ou dans le cas de l'Empire ottoman avec l'expédition d'Égypte, et que l'on fait s'achever soit en 1914 avec la fin d'un certain monde, ou alors en 1922 ou 23 ou 24, selon les dates que l'on accepte, avec l'effondrement l'Empire ottoman. Dans mon cas, j'irai plus loin. Donc, j'inclus vraiment le XVIIIe siècle. Ce ne sont pas tant les dates que les périodes qui m'intéressent, et je veux, autant que possible, m'intéresser à des traces de transformation, à essayer d'analyser la manière dont cet animal étrange, cet empire à l'ancienne, se modernise, soit par des dynamiques internes. Encore une fois, il ne faut pas penser que toute forme de modernisation est exclusivement occidentale. Il y a des modernités extra-occidentales, et l'Empire ottoman, dès le début, est un empire moderne, puisqu'il fait partie de cette période moderne, celle que les Américains, les Anglo-Saxons appellent la « early modern period », une période où l'État est le produit principal d'une modernité, d'une transformation des relations entre le pouvoir et la société, avec des répercussions fiscales. L'État moderne est avant tout fiscal, ne l'oublions jamais, militaire, administratif. Il y a une machine étatique qui se met en branle à partir de la Renaissance, à partir de la fin du Moyen-Âge, à partir du XVe siècle pour les Ottomans, et qui a tous les attributs d'une modernité qui n'a toujours rien à voir avec la modernité occidentale telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir la transformation d'un État, d'une société, d'une économie, par ses propres forces, par des dynamiques internes, mais aussi, et cela en particulier au XIXe siècle, sous l'influence, sous l'impact d'une présence de plus en plus forte, de plus en plus dominante de l'Europe, de l'Occident. C'est ce qu'on appelle l'occidentalisation. J'ai retracé, lors de ma leçon inaugurale, les grandes lignes de cette chronologie. J'ai parlé de trois temps, comme une valse, une transformation en trois temps. J'ai utilisé, pour les besoins des cours, des petits films du Collège de France, une métaphore un peu humaine en parlant de flirt au début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, où les deux parties, l'Occident comme l'Empire ottoman, essayent de se connaître et se tâtent un peu, essayent de voir où cet nouvel équilibre va les mener. Ensuite, il y a l'union, j'ai même dit le mariage, je crois, au milieu du XIXe siècle, où l'Empire ottoman se soumet en grande partie à ce qu'il considère être une formule de réussite, c'est-à-dire les normes européennes, autant pour ce qui est du politique que de l'économique et que même du social et du culturel. Et ensuite, j'ai parlé de divorce. J'ai parlé de divorce pour décrire la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, non que vraiment il y ait séparation de corps. En fait, l'Empire ottoman est plus que jamais présent dans la politique occidentale à la fin du XIXe siècle. C'est une période où la question d'Orient, comme on aime l'appeler, est une des principales préoccupations des cabinets en Europe. Mais il y a divorce parce qu'il y a une sorte de divergence. L'Empire ottoman ne veut plus vraiment participer à cette modernité sans y mettre sa propre contribution idéologique, sans essayer d'acquérir une forme d'autonomie en jouant la carte de ses identités fortes, l'identité islamique essentiellement, et ensuite l'identité turque. C'est un divorce que l'on sent aussi du côté occidental, puisque l'Occident se dissocie de plus en plus d'un Orient ou d'un empire ottoman qu'il sent devenir plus violent, et tout en gardant ses intérêts économiques, sa présence en Orient, l'Europe va se désolidariser du système politique et se mettre un peu en retrait, ce que l'on voit bien pendant la Première Guerre mondiale. Donc, trois temps, si vous voulez, pour définir ce XIXe siècle. Et c'est un peu cela que je vais essayer de reprendre pendant mon cours. Toutefois, cette première séance, je crois qu'il serait bon de la consacrer à des problèmes de fond, à des problèmes d'historiographie, à des problèmes de méthode, à des problèmes de sources, essayer de cerner ce que je considère être les principaux défis de la discipline. Parce que le récit est une chose, et vous en avez de très bons. Aujourd'hui, l'histoire de l'Empire ottoman qui avait été préparée par Robert Mantran et qui a été publiée, si je ne me trompe, en 1989, est encore un excellent livre si l'on veut parcourir les six siècles de l'Empire ottoman. Beaucoup plus récemment, mes collègues, alors Gilles Van Steen, malheureusement disparu, Nicolas Vatin et François Georgeon se sont mis à publier un dictionnaire de l'Empire ottoman qui est un monument d'érudition et une source extrêmement utile, extrêmement pratique pour essayer de comprendre justement ce récit. Donc, il y a des sources, des références de base, et celles-ci ne manquent pas vraiment. Toutefois, ce qui nous manque, c'est une vue un peu plus détaillée, un peu plus en profondeur, sur les mécanismes qui sous-tendent ce grand récit. Donc, je vais essayer, autant que faire se peut, de combiner le récit, un grand récit d'un siècle et demi, avec des pointes, des percées, des cas particuliers que je considère être importants pour une meilleure compréhension de la complexité de ce récit, puisqu'aucun récit ne donnera vraiment la totalité, la véritable complexité de ce qu'est l'histoire ottomane pendant ce siècle et demi, mais aussi des occasions de discuter de certains problèmes d'histoire, certains problèmes du métier, de la pratique de l'historien, et certains problèmes qui, à mon avis, devraient nous inviter à revisiter, repenser, réanalyser certains aspects de ce récit qui est parfois un peu trop parfait pour vraiment donner une idée d'une réalité bien plus complexe. Les problèmes que j'évoque, je les ai déjà évoqués lors de ma leçon inaugurale. Du moins, j'ai insisté sur un type assez particulier de problèmes, des problèmes politiques et idéologiques. J'étais porté par un phénomène peut-être assez compréhensible de frustration en tant que citoyen turc et en tant qu'historien officiant en Turquie, une sorte de ras-le-bol à la vue et de la manière dont l'histoire est maltraitée, manipulée, utilisée à des fins politiques et idéologiques. Et par conséquent, j'ai profité de cette leçon inaugurale pour souligner cet aspect de la question. Ce n'est pas à proprement dire de l'histoire, mais cela concerne directement l'histoire, puisque c'est la mise en pâture, en quelque sorte, de l'histoire à la machine politique, aux ambitions politiques, dans un contexte qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus inquiétant. Je crois que l'histoire en particulier est une discipline qui peut se vanter de ne pas servir à grand-chose. Ou, du moins, pour le dire plus exactement, elle a l'avantage de pouvoir ne servir à rien. Et ça, croyez-moi, c'est un signe de liberté. Je ne dis pas qu'elle ne devrait servir à rien, mais je dis qu'elle peut ne pas servir à quoi que ce soit. Et ça, c'est la définition même du luxe. Le caviar ne sert pas à grand-chose, et pourtant, c'est très bon. Et ce qui fait la force de cette discipline, de cette science, est-ce vraiment une science, ça se discute, c'est le fait qu'elle repose sur quelque chose de très neutre, mais de très porteur, la curiosité. La curiosité sans se soucier forcément des conséquences. Il n'y a pas vraiment de prédiction en histoire. Ceux qui vous disent, et je crois que c'est Kissinger qui avait dit ça dans les années 70, que l'histoire n'était pas un livre de recettes pour le futur. C'est vrai. C'est-à-dire que la leçon de l'histoire, évidemment, en lisant l'histoire, en étudiant l'histoire, on voit bien des choses qui nous rappellent, qui nous donnent une idée des erreurs commises aujourd'hui même ou à commettre. Mais cette leçon, elle est imparfaite et de toute façon, nous ne la comprenons jamais. Ce n'est pas là l'objectif premier de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment la curiosité, le fait de se demander, de vouloir savoir comment ça se passe dans un pays lointain. La métaphore de l'histoire étant un pays exotique ou lointain, c'est une métaphore que je retiens à mon compte et je pense que c'est une manière d'établir un parallèle entre l'exotisme de l'Empire ottoman, le désexotiser, si vous voulez, puisque cet exotisme, il n'est franchement pas beaucoup plus exotique que l'ancien régime français ou une quelconque histoire, un quelconque contexte historique qui nous paraît beaucoup plus familier. Donc l'histoire, elle peut ne pas servir à quoi que ce soit, et ça, c'est un avantage, c'est un luxe, C'est l'inutilité pour l'érudition, pour la connaissance et pour l'apprentissage. Donc, moi, ce qui me plaît en histoire, ce n'est pas la certitude, car je n'y crois pas. Il n'y a pas de certitude en histoire, il n'y a pas de vérité en histoire. Tout au plus, peut-on atteindre quelque chose qui, en gros, est du vraisemblable. Donc, on joue avec des probabilités, c'est très mathématique, si vous voulez, mais on joue avec des probabilités, on essaye plus ou moins de savoir si ce que l'on pense être une réalité historique est vraiment probable, vraisemblable. Une fois qu'on a une conviction dans ce sens, je pense que ça suffit, parce que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans l'histoire, c'est l'ambiguïté, c'est la multiplicité des récits, un peu à la Rashomon. Ce sont les interprétations très différentes que l'on peut donner des mêmes événements, du même document, des mêmes choses, des mêmes réalités. C'est le flou artistique et c'est la nécessité sans cesse de réviser notre vision de l'histoire. Et ça, ça rend l'histoire extrêmement dynamique, parce que sinon, et ça je le dis souvent à mes étudiants, si on a une certitude historique, et on peut en avoir, bon, le 14 juillet 1789, oui, mais dans ce cas-là, ça n'est pas intéressant. C'est-à-dire que ce que l'on peut avancer avec certitude dans l'histoire, c'est en général des banalités, des évidences, des choses qui nous permettent de jalonner le temps, mais qui, en fait, n'apporte rien à notre compréhension de cette période sur laquelle s'exerce notre curiosité. Donc, distinguons les certitudes, les événements, de leur interprétation, du contexte et de la manière dont on peut se pencher sur ces événements, sur ces individus, sur ces textes, sur ces documents, en essayant de les décortiquer de manière à voir à quel point ils sont complexes, à quel point ils sont riches, à quel point ils sont porteurs d'une connaissance, d'une érudition qui nous intéresse. Alors, les questions politiques, et j'étais très fier d'utiliser des néologismes dont je revendique la paternité, j'ai parlé de cliomanie, de cliopathie, de cliorée. Bon, vous savez que Clio est la muse de l'histoire et que par conséquent, dès qu'on met Clio au début d'un mot, on forme un terme qui se réfère à l'histoire. Et pourtant, cliomanie, cliopathie, je pense que c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans la plupart des formations nationales du 19e et du 20e siècle. Cliomanie, cette manie de l'histoire, cette folie de l'histoire, ce désir de tout rattacher à une histoire univoque, l'histoire nationale. La France est passée par là, je ne sais même pas si elle en est vraiment sortie, mais en tout cas, la Turquie y est jusqu'au cou, en ce moment. Et c'est très dérangeant parce que pour l'historien, c'est une atteinte, c'est une enfreinte à l'autonomie de mon métier. Donc c'est sérieux. Et bien sûr, qui est cliomane est aussi cliopathe, puisque votre manie de l'histoire est toujours exclusive, sélective, vous n'acceptez qu'une version de l'histoire et c'est la vôtre. Et par conséquent, les autres, vous les niez, vous les rejetez. Et ça, encore, c'est quelque chose qu'en Turquie, on connaît bien et qui fait partie de la manière dont la Turquie, pas seulement l'État, mais la population, mais les médias, gèrent le phénomène historique. Donc, c'est un problème énorme, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment un problème historique, c'est un problème politique. C'est un problème d'idéologie, c'est un problème de société, c'est quelque chose qui touche l'histoire, mais qui n'en émane pas vraiment. Et par conséquent, je voudrais, pour les besoins de cette introduction à mon cours, laisser un peu de côté ces histoires politiques à ceux qui s'y intéressent, les politologues, les sociologues, les anthropologues, les psychologues même, puisqu'il y a quelque chose de maladif dans ces obsessions. Et je voudrais plutôt me concentrer sur des questions qui sont vraiment problématiques d'un point de vue historique. Donc ce qui m'intéresse au premier titre, c'est les problèmes relatifs et inhérents à l'histoire, et en particulier à l'histoire turque et ottomane. Et je vous rassure, il y en a. Il y en a énormément. Il y en a tant que la discipline est grevée, viciée par une littérature secondaire qui est extrêmement problématique, qui est en train de couler en quelque sorte la discipline et dont il faut non pas se débarrasser, mais qu'il faut transcender pour essayer d'arriver à une meilleure compréhension de la manière dont il faut faire l'histoire. Encore une fois, et je crois que c'est avec ça que j'avais conclu ma leçon inaugurale, ce ne sont pas tant les réponses qui m'intéressent que les questions. Une bonne question vaut bien des réponses. Et les réponses, encore une fois, elles n'ont rien de définitif. Et si elles ont vraiment quelque chose de définitif, comme je vous le disais il y a un moment, il y a de fortes chances que c'est une évidence, que c'est une lapalissade, que c'est une banalité, et que par conséquent, ça manque d'intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre, ou auxquelles on ne peut pas donner une réponse unique. Là, vous pouvez être sûr d'avoir une question historique et quelque chose dont vous pourrez vous nourrir en tant que chercheur, en tant que lecteur, en tant qu'étudiant de l'histoire. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Edam Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Aujourd'hui, introduction. Donc, les problèmes politiques, anhistoriques, si vous voulez, ils ne sont pas historiques, je préférerais ne pas avoir à en traiter. Et par conséquent, je vais me pencher sur des problèmes que je considère être historiques, même si certains sont évidemment liés à des questions qui sont extérieures à l'histoire, telles la politique et l'idéologie. Ce sont donc des questions, des problèmes qui sont liés aux sources, à la méthode, à la théorie, aux approches utilisées dans le métier, dans la discipline, des modèles, de la documentation, et l'impact de tous ces éléments fondateur de la discipline est énorme sur la discipline. C'est-à-dire que la manière dont vous traitez les données, moi aussi je peux parler de données, mais je parle de données parce que c'est de cela que nous nous nourrissons, c'est cela que nous traitons afin d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment l'interpréter. Donc ces données ont un impact direct sur le produit fini, sur l'histoire, le récit que l'on va faire d'une certaine période, d'un certain événement, d'un certain concept. Et cet impact, selon la méthode que vous utilisez, selon la santé ou non de la méthode que vous utilisez ou de l'approche que vous utilisez, risque d'être bonne ou distordue. Il y a des effets de distorsion qui sont énormes en raison de la manière dont ces données sont traitées, de la manière dont ces textes sont lus, de la manière dont ces images sont perçues. Et ceci, ça m'intéresse au plus haut point. Et c'est pourquoi je voudrais combiner, comme je vous le disais, un récit, un grand récit, avec des petites pointes, des percées, des cas particuliers qui permettent de voir dans le détail comment ça marche ou comment ça ne marche pas. Et comment il faut reconstruire notre compréhension du document, du texte, de l'image, de n'importe quoi, pour arriver à une meilleure compréhension. Et une fois qu'on transcende, une fois qu'on oublie, ou du moins qu'on essaye d'oublier le contexte politique dont je parlais, tout frustrant, exaspérant, étouffant qu'il puisse être, nous sommes confrontés à des problèmes purement historiques et autrement sérieux, car ils sont subtils, ils sont complexes, ils sont ambigus. L'avantage, en quelque sorte, du nationalisme, des idéologies que je critiquais il y a quelques instants, c'est qu'ils sont extrêmement simples, voire bêtes, et que par conséquent, il est très facile de les identifier et de s'en débarrasser. Le dilemme, en quelque sorte, le paradoxe du nationalisme, c'est que sa bêtise fait son succès auprès des masses, mais aussi sa faiblesse dans un contexte intellectuel, puisqu'il est extrêmement facile de démanteler un argument nationaliste ou un argument qui est visiblement inspiré par une distorsion de type nationaliste. Et dès lors, ça devient moins amusant, moins intéressant, moins défiant que de se pencher sur ce genre de problème. Donc, penchons-nous sur la méthode. Dans le cas de l'histoire turque et ottomane, évidemment, la plupart des problèmes de méthode sont liés à des problèmes politiques, à des problèmes idéologiques, à des conceptions idéologiques. Je commencerai par le turcocentrisme, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout au début de ma présentation, le fait que les Turcs, aujourd'hui, se sont octroyés, se sont arrogés une sorte de monopole de fait sur l'histoire ottomane. Et que, par conséquent, il est extrêmement facile, voire nécessaire en Turquie, d'imaginer que l'histoire ottomane est de l'histoire turque, que l'Empire ottoman est un empire turc, et que l'histoire ottomane est une sorte de prélude à la nation turque, à la glorification de la nation turque aujourd'hui même. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va à l'encontre du bon sens et de la méthode historique. C'est pourquoi j'ai publié il y a de cela quelques années en Turquie un article dont j'étais très fier parce que je l'avais intitulé « Sauver l'histoire ottomane des Turcs ». Et je le disais sincèrement, tout en étant turc, donc je me tirais en quelque sorte une balle dans le pied, mais bon, vous comprendrez ce que j'avais en tête, c'était de briser ce monopole de fait que les Turcs, je parle de Turcs en termes nationaux, donc des citoyens turcs qui revendiquent une maîtrise de l'histoire et qui s'arrogent un monopole de fait sur l'histoire ottomane parce que c'est leur histoire, c'est l'histoire du patrimoine. Le terme patrimoine est utilisé très souvent aujourd'hui dans des contextes qui sont extrêmement positifs, la sauvegarde, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans patrimoine, il y a patrie, il y a le père, il y a toutes sortes de choses qui sont extrêmement possessives. C'est toujours problématique. C'est-à-dire que si vous sauvegardez quelque chose uniquement parce que vous considérez que c'est votre patrimoine, il y a déjà quelque chose de problématique. Donc, cette appropriation qui, en Turquie, prend la forme d'une sorte d'amalgame entre Turc et Ottoman, est un des problèmes majeurs. Et cela sans même arriver aux extrêmes de la manipulation idéologique et historique que j'évoquais en début de présentation. Là, c'est beaucoup plus sincère, si vous voulez, ce qui rend la chose encore plus problématique. Ils le pensent vraiment. Je suis surpris de voir comment certains de mes étudiants utilisent des formules qui, à les entendre d'abord, paraissent correctes, et puis en réfléchissant, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Quand on parle, au XIXe siècle par exemple, des Ottomans et des Arméniens, et ça ils le font souvent, ou des Ottomans et des Grecs, vous comprenez tout de suite, et c'est une erreur qui est commise très souvent, encore aujourd'hui, en Europe aussi, vous comprenez tout de suite que pour la personne qui dit ça, l'Ottoman n'est pas arménien et l'arménien n'est pas ottoman. Et que par conséquent, quand on distingue les Arméniens des Ottomans, on souligne le fait que les Arméniens ne sont pas des Turcs et que les Ottomans le sont. Et ça, c'est une erreur énorme, monstrueuse, qui va à l'encontre de la logique même d'un empire. Et c'est quelque chose qui a des conséquences, puisque, en quelque sorte, le problème arménien, comme on aime l'appeler poliment, celui des massacres dans les années 90, celui du génocide au début du XXe siècle, est quelque chose qui repose sur une sorte de méconnaissance, d'ignorance qui est fortement liée au fait que les Turcs ne pensent même pas que les Arméniens qui ont été victimes de ces actes étaient des citoyens ottomans, des sujets ottomans et ensuite des citoyens ottomans. Et ça, c'est quelque chose qui distord complètement la perception que vous avez de l'histoire, puisque vous avez un bloc que vous assumez être turc. Bien sûr, turc, ça aussi, il faut le savoir, c'est pas uniquement turc en tant que citoyen de la République de Turquie ou turc ethniquement, c'est aussi musulman. Et par conséquent, vous faites un amalgame facile entre l'identité ottomane et l'identité turco-islamique. Et comme ça, vous arrivez à projeter dans le passé ce qui est en fait l'identité de base de la nation turque telle qu'elle s'est redéfinie au XXe siècle sous la République kémaliste et de la manière dont elle se redéfinit encore plus clairement aujourd'hui, depuis les années 80, depuis les années 80-90, avec la montée de ce qu'on appelle la synthèse turco-islamique. Les conséquences idéologiques, politiques sont ce qu'elles sont. Le problème pour l'historien, c'est qu'un empire que vous réduisez à une dimension unique, ethnique et religieuse, est un empire qui perd son sens, qui perd sa réalité, qui perd sa complexité. Je ne vais pas aller dans le sens du bonisme, de l'angélisme qui est très à la mode, qui l'était dans les années 90, d'un empire ottoman multiculti, comme disent les Allemands, multiculturel. Ça n'est pas ça. Mais l'empire ottoman n'est pas un empire homogène. C'est un empire à l'ancienne, c'est un empire à la romaine, c'est un empire que maintiennent en place des structures étatiques qui sont extrêmement ténues, fiscales, administratives, militaires, mais qui, territorialement, démographiquement, ne présentent aucune forme d'homogénéité. Et par conséquent, si l'on veut comprendre l'Empire ottoman, il faut comprendre que c'est un empire, que c'est une créature extrêmement complexe qui n'a pas d'homogénéité, qu'elle est hétérogène. En fait, on peut même se demander s'il y a vraiment un empire ottoman, puisque le terme empire, il est très inspiré, très informé par des concepts beaucoup plus tardifs qui sont modernes, territoriaux. Or, l'Empire ottoman est-il vraiment un empire territorial? Lorsque l'on regarde de Constantinople et que l'on essaye de percevoir cette vaste étendue des territoires ottomans, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'une territorialité, de frontières, d'espace bien défini? Pas du tout. D'ailleurs, la logistique, la technologie, la perception, les connaissances de l'époque, et je parle du XVIe, XVIIe siècle, ne suffiraient pas à établir ce genre de cadastre impérial, si vous voulez. Donc la notion de l'Empire est quelque chose de beaucoup plus vague, beaucoup plus souple, quelque chose qui se lie différemment à l'aune de la politique, à l'aune de la fiscalité, à l'aune de la démographie. Vous avez des liens entre Constantinople et les principales villes de l'Empire qui sont extrêmement fournis du fait de l'existence d'un réseau nerveux de l'administration, de relations économiques, de relations commerciales. Et puis, vous avez des territoires qui sont dans un vide administratif, qui sont autogérés et qui, par conséquent, ne peuvent pas vraiment être considérés comme faisant une partie intégrante de l'Empire de la même manière qu'on pourrait le penser au XIXe siècle. C'est autre chose. La conception de l'espace, du temps, des limites dans un contexte moderne est très différent de ces mêmes concepts dans un contexte contemporain. Et par conséquent, je vous le disais, l'Empire ottoman est un terme que les Ottomans eux-mêmes n'utilisent pas. Ils sont beaucoup plus réalistes, ils utilisent le terme État, parce qu'un État, il y en a un, il y a un sultan, il y a un divan, il y a des officiers de la cour, et il y a des représentants du sultan ou du pouvoir étatique dans les provinces, dans certaines villes. Il y a des garnisons de janissaires dans certaines villes, et ça, c'est l'État. Une fois qu'on sort de cette familiarité, de ce réseau concret de relations qui sont reliées comme un système nerveux à Istanbul, on n'est plus vraiment dans un système que l'on peut définir de la même manière. Donc, la simple question de l'existence ou non de l'Empire est une question légitime qu'il faut considérer quand on parle de période précoce, notamment avant le XIXe siècle. Je me souviens, lors d'une discussion avec des collègues turcs, j'avais dit qu'il m'intéressait, que j'étais curieux de savoir comment vivait un paysan grec, dans le sens de grec orthodoxe, puisque la grécité, la nationalité grecque ne veut rien dire au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, dans le Péloponnèse, sous domination ottomane, sujet ottoman par conséquent, et que cela faisait partie de l'histoire ottomane. La plupart de mes collègues turcs me disaient que ça n'avait rien à voir avec l'histoire ottomane, que l'histoire ottomane était une histoire centrée sur Istanbul, sur des réseaux de pouvoir, que c'était une histoire politique et que le petit paysan de la Morée ou le petit paysan de la Syrie du Sud n'avaient pas vraiment leur place dans cette histoire ottomane. C'est une manière de voir les choses, ça n'est pas la mienne. Mais il est vrai que si l'on veut inclure toutes sortes de catégories, d'individus, de groupes, de communautés, de contextes qui sont si distants de ce que l'on associe généralement avec la culture politique ottomane, c'est un défi qu'il est extrêmement difficile de relever. D'autant plus, bien sûr, lorsque votre perception, votre compréhension de l'histoire ottomane se résume à une forme de turcité multipliée par je ne sais quelle étendue géographique. Et en plus, si le turcocentrisme se limitait simplement à cet élément culturel, cela irait jusqu'à un certain point, mais en plus, c'est un constantinopolitocentrisme, istanbulocentrisme, si vous voulez, qui domine cette vision, puisque les historiens turcs qui dominent la profession, qui dominent cette documentation, qui s'arrogent un monopole sur cette documentation, ils n'ont en fait accès qu'au cœur de la documentation impériale qui se trouve à Constantinople, à Istanbul. Et cette documentation elle est elle-même biaisée, elle est elle-même extrêmement myope, voire aveugle, quand il s'agit de voir les réalités de la vie, de l'économie, de la société dans des régions distantes de l'Empire ottoman. Donc, vous avez un tropisme, une sorte de strabisme convergent de la turcité, auquel vient s'ajouter un strabisme convergent, encore plus convergent, sur Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, avec, bien sûr, le mythe, la fiction, l'illusion de ce que l'Empire ottoman est un empire centralisé. Vous le trouverez dans les livres scolaires. L'Empire ottoman était... Il n'y a pas moyen pour un empire au XVIe siècle d'être véritablement centralisé. L'Empire ottoman était centralisé à Istanbul. Au-delà d'Istanbul, et il suffit de lire les sources de l'époque, l'Empire était incapable de maintenir ce que l'on appellerait aujourd'hui une véritable centralisation. Au contraire, ce qui garantit la survie de l'Empire ottoman sur plusieurs siècles, et en particulier pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, c'est le fait qu'il n'est pas centralisé et qu'il sait négocier. C'est-à-dire que sa suzeraineté, le contrôle d'Istanbul sur les provinces, s'exerce à coup de négociation, à coup de calcul des possibilités du centre d'imposer sa volonté sur la périphérie et des capacités de la périphérie de s'opposer à cette imposition de la volonté du centre. Et c'est comme ça que l'Empire survit. Contrairement à la tradition occidentale, au XVIIe siècle, en France, ce qui se passe, c'est qu'on bâtit l'homogénéité. Ça passe ou ça casse. On impose la volonté royale, la volonté centrale sur les provinces. Et c'est en fait la modernité occidentale, ce modèle d'imposition d'un modèle central sur les périphéries. C'est un modèle qui n'a absolument pas de sens dans un contexte ottoman. L'Empire ottoman, au contraire, il jouit de la diversité, il jouit de la souplesse, de la flexibilité, il survit grâce à cette malléabilité, à cette négociation constante entre le centre et les périphéries. Et les périphéries peuvent être définies soit géographiquement, soit culturellement, soit politiquement, de quelque manière que vous vouliez. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est extrêmement difficile à cerner. D'autant plus que si vous tombez dans le panneau de croire en ce mythe d'une centralité, d'une centralisation de l'Empire, si vous prenez au pied de la lettre la documentation que l'État produit à Istanbul même, dans ce cas-là, vous êtes incapable de comprendre comment ça marche. Puisque l'objectif premier, justement, de l'Empire, de l'État central, celui qui est concentré à Istanbul, c'est justement de donner l'illusion du contrôle, de la centralité, de la centralisation. Et par conséquent, c'est une preuve, s'il en fallait une, que la documentation ne doit jamais être lue sans une contextualisation, sans le minimum de lecture critique qu'il nous faut pour voir pourquoi, comment tel ou tel document a été écrit. Or, justement, et ça j'y reviendrai, le plus fort de l'historiographie turque de type traditionnel et nationaliste, c'est justement de se pencher sur le document, de l'embrasser et de ne plus le lâcher et de le prendre au pied de la lettre et de considérer que l'histoire, c'est ça. Et là, bien sûr, le rôle de l'historien est réduit à celui d'un paléographe. Évidemment, encore une fois, les Turcs, la Turquie, ne sont pas les seuls responsables de cette situation, puisque il faut être deux, en quelque sorte, pour acquiescer à ce genre de monopole. C'est-à-dire que l'un des problèmes de base, c'est que les autres États successeurs de l'Empire ottoman, et je pense que vous les connaissez, dans les Balkans et au Moyen-Orient, se sont tous délestés du passé ottoman, se sont tous désolidarisés, dissociés du passé ottoman. Un exemple typique est celui de la Grèce. La Grèce qui, en gros, a été conquise au XVe siècle et qui a recouvré sa liberté, c'est la terminologie qu'ils utilisent, 4 siècles plus tard, après 1830. Bien, cette Grèce, elle appelle ces 4 siècles de présence ou de domination ottomane la Turcocratie. C'est le joug ottoman, si vous voulez. Je veux bien. Mais le problème, c'est que en refusant de vous pencher sur 4 siècles de votre histoire, en jugeant que ces 4 siècles n'appartiennent pas à votre récit historique, vous faites l'impasse sur la réalité historique. Vous avez un trou noir, une période anhistorique, un manque d'histoire de 4 siècles. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas réduire 4 siècles à une histoire de victimisation, d'occupation et de libération. Surtout pas d'occupation et de libération. J'ai souvent communiqué en Grèce et vu ma tendance à critiquer l'historiographie turque et la Turquie en général, je suis en général très bien accueilli en Grèce. Et c'est très bien comme ça. Mais lorsque je leur fais remarquer que la libération de Salonique, de Thessaloniki en 1912, ou la libération de Cérès en 1913, après 4 siècles de présence ottomane, ça paraît quand même assez surprenant. Peut-on parler de libération après 4 siècles de présence? Est-ce qu'on peut réduire 4 siècles de présence, je ne sais combien de générations de Grecs orthodoxes qui ont survécu, qui ont vécu leur orthodoxie, leur culture, pendant 4 siècles dans cette région, peut-on réduire ces 4 siècles à une occupation, un peu comme on parlerait de l'Alsace-Lorraine ou de Chypre-Nord? Je n'en ai pas l'impression. Et le problème est double, puisque d'une part, pour la Grèce, c'est la perte d'une réalité historique, au point que les historiens de l'art dans les Balkans, et en particulier en Grèce, appellent tout produit grec, notamment des icônes par exemple, produit sous domination ottomane, ils les appellent des objets post-byzantins. Je veux bien, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, d'autant plus que le patriarcat survit, que l'orthodoxie existe, que la population, elle, prospère autant que les autres populations. Pourquoi ne pas parler d'une culture ottomane orthodoxe ou gréco-ottomane? Je ne sais pas, mais post-byzantin, c'est une forme de négationnisme aussi qui vraiment réduit une réalité historique à une sorte de caricature négative, en pochoir presque. Mais plus encore, de mon point de vue, ce qui me chiffonne, ce qui m'embête, ce que je reproche à cette historiographie grecque, c'est de laisser aux Turcs, justement, la possibilité de s'accaparer de ce trou noir de 4 siècles. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 12 janvier 2018 Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, introduction. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée chez Fayard sous le titre L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Edem Eldem l'exploration des chausse-trappes qui guettent l'historiographie de l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.